Bonjour à tous et à toutes. Le CIRA aujourd'hui est heureux d'inviter Fabien Lebrun. Donc il est chercheur, il enseigne à Nantes, Université de Nantes. C'est ça. Ouais, il a déjà commis quelques ouvrages, dont un ouvrage collectif qui était sorti à l'époque de la Coupe du Monde, Foot Afrique. Puis il a publié On achète bien les enfants, écran et barbarie numérique. Et enfin, son dernier ouvrage, Barbarie numérique, qui est pour moi, et c'est la raison pour laquelle il est ici, est un ouvrage essentiel dans le monde éditorial et médiatique aujourd'hui. Parce que le rapport au numérique, il est souvent pris de haut, d'une manière très superficielle. On parle surtout des effets du numérique, mais on ne revient pas à la source, à la question du matériel, qui est pour moi essentiel. Et le travail de Fabien est en cela exemplaire. Surtout que nous, ici à Marseille, nous sommes concernés par le numérique, du fait que désormais, au niveau de la politique locale et aussi d'une volonté nationale, c'est que la ville devrait être hyper connectée. Nous sommes le sixième hub, donc le sixième nœud de câblage sous-marin ici à Marseille. On est en plein développement des data centers. On en a déjà cinq, c'est un sixième en prévision. Six. Il y en a cinq. Le sixième en prévision. Ah oui. Ouais. Qui n'a toujours pas été. Ouais. Mais il y a vraiment une volonté politique de noyauter ici le numérique. C'est quelque chose de totalement impensable, surtout lorsqu'on lit l'ouvrage de Fabien, de comprendre ce qu'il y a derrière le numérique. Il n'y a surtout pas une question de virtualité ou de dématérialisation. C'est vraiment quelque chose de concret, de matériel, et c'est surtout fait à partir de sang, de sueur et de souffrance. Fabien ? La transition. Merci à toi et merci à vous, le CIRA, pour l'invitation. Parce que j'ai tout à l'heure, je n'étais pas trop venu encore dans ce coin de France, dans le sud-est, là, parce que moi je suis de Nantes et j'ai tourné un petit peu plus ailleurs, mais voilà, donc c'est avec plaisir que je suis là. Peut-être toi, ouais, juste pour me représenter rapidement, tu l'as déjà fait, mais juste pour dire que moi ça fait une dizaine d'années, après presque une quinzaine d'années que je me suis penché quand même sur ces questions relatives à la technologie, la place qu'elle occupe dans notre société, et puis rapidement aussi quand même sur sa négativité, sa destructivité, et quelle relation, quel rapport dialectique notamment elle opère avec le mode de production capitaliste. Et voilà, l'idée, c'est d'essayer de saisir comment cette technologie, au fur et à mesure du développement du capitalisme, prend sa place, active ces phénomènes de reproduction, d'extension, et vu qu'on est sur un principe d'accumulation, de production de marchandises, etc., moi, je fais souvent le lien avec une accumulation aussi de destruction et d'exaction, de crime et tout ce qui va avec. Alors j'avais, effectivement, tu l'as cité rapidement, je m'étais penché dans un premier temps, mais c'est un peu une introduction au deuxième livre sur la question qui est un petit peu médiatisée, on va dire, aujourd'hui, sur la question des impacts des écrans sur les enfants, mais ça permettait déjà de montrer un peu un panorama de justement différents impacts, différents effets délétères. Et à l'époque, quand je me suis penché sur cette question, c'était plutôt 2015, 16, 17, il y avait déjà pas mal de choses de faites, mais c'est vrai que de mon point de vue, même si, bon, je vais revenir, ça a été développé, mais en tout cas, si on s'attelait à cette question des impacts des écrans sur les enfants, en tout cas en France, on va dire dans les pays riches et dits connectés, on restait beaucoup focalisé quand même sur la question de la consommation, de l'usage du numérique, de l'utilisation de tous ces appareils connectés. Et finalement, alors c'est très bien, on avait un bombardement d'études, de rapports sur l'impact, sur la vue, sur le poids, sur les contenus violents, etc., etc., et qui sont terribles, hein, et je pense qu'il faut continuer à les évoquer. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que c'est un petit peu pris en charge par la classe politique, même si ça peine à légiférer ou à interdire, à limiter, parce que bon, il y a plein d'enjeux, on s'en doute bien. Mais toujours est-il, la question est un petit peu apparue, mais vraiment principalement sur l'aspect de la consommation. Et je trouve que voilà, moi, l'idée de ce petit livre, et c'est pour ça qu'il y a un chapitre déjà sur le travail des enfants au Congo, mais c'était d'avoir une vision un peu plus holistique, systématique, globale, et d'aller creuser un petit peu l'ensemble de la chaîne de valeur et de dire que, bah, effectivement, cette consommation, elle a des impacts, mais si on se place en amont comme en aval, eh bien, en fait, il y a plein de problématiques qui se posent, nouvelles, en tout cas d'autres problématiques, et évidemment ça pose la question de la production, de la construction, de l'assemblage, etc., en amont, mais aussi en aval. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces appareils une fois qu'on les a utilisés? Donc la question du recyclage s'il existe, du démantèlement, de la destruction, et on voit bien que finalement on ne sait pas trop quoi faire de ces trucs, notamment parce qu'ils sont toujours plus configurés technologiquement, avec toujours plus de métaux, de ressources, et on va y venir. Donc voilà, c'est un petit peu dans ce cadre-là que progressivement est arrivée cette question du Congo et de la matérialité du numérique, si je puis dire, parce qu'effectivement, ce bouquin, c'est vraiment, alors ça a été fait, hein, par des gens comme Anna Bednik, Celia Izoard, l'association Systexte, même Guillaume Pitron, bon, si je ne partage pas ses conclusions, mais en tout cas, il y a une petite visibilité de tous ces impacts matériels. Je trouvais ça intéressant, mais en même temps, je trouve, par le prisme de cette matérialité du numérique, ce qui m'intéressait aussi, c'est de reposer la question un peu de l'histoire du numérique et de comment ce monde connecté, finalement, il a émergé, d'où il vient. Et là, je pense qu'on ne peut pas faire le lien avec le mode de production capitaliste et voir finalement comment tout ça a émergé, comment est apparu. Parce que je pense qu'encore aujourd'hui, en tout cas dans les grands récits, dans les narratifs, moi c'est ce que j'observe encore à l'université de façon un peu désemparée, c'est qu'on présente souvent, en tout cas l'histoire du numérique, quelque chose qui est arrivé, c'est un peu l'histoire des vainqueurs, quoi. C'est-à-dire qu'on avait deux geeks qui étaient dans un garage dans la Silicon Valley, et puis ils ont une super idée de génie, et puis est apparu Google, et puis les autres. Et ça, je trouve que c'est quand même, ça va un peu vite sur l'histoire. Et justement, là, on est toujours sur la question des idées ou des ingénieurs. Enfin, voilà, ça vient d'en haut. Sauf qu'on oublie un petit peu que pour mettre en pratique ces idées, il faut de la matière. Et voilà, et quand on prend ce champ, cet axe, eh bien, il y a tout un tas de problématiques assez sales, il faut bien le dire, qui s'ouvrent à nous. Le bouquin, il a plusieurs motivations. Bon, il est un petit peu épais, un petit peu costaud, faut en parler. Bon. Ça peut être une taille normale, mais aujourd'hui, avec la baisse de lecture et compagnie, on pourrait prendre ça comme un truc assez épais. Mais en tout cas, il y avait plusieurs entrées ou plusieurs motivations. Donc c'est vrai qu'il y avait cette idée de dégommer, en tout cas de démonter ce concept de dématérialisation. Et bon, ici, vous connaissez bien ce qui se passe avec les data centers, avec toutes les infrastructures, parce que, bon, parfois on insiste sur les... on parle un peu plus des terminaux, donc tout ce qui est tablette, smartphone, ordinateur, console de jeux vidéo, etc. Mais c'est vrai que pour qu'ils fonctionnent, il faut tout un tas d'infrastructures. Et donc il faut des data centers, il faut des antennes relais, il faut des satellites, il faut des câbles sous-marins, souterrains. Et en fait, on se rend compte que vraiment, ça met en branle toute une économie et ça dévaste tout sur son passage. Donc il y avait vraiment de réinsister, de remettre une charge sur ce concept de dématérialisation qui, de mon point de vue, est vraiment un mot, sans doute un mot central dans l'idéologie capitaliste contemporaine. D'ailleurs, comme le terme transition, qui est vraiment un mot à la mode et qui participe aussi de cette extension, de cette reproduction, de naturaliser ce développement capitalistique. Et puis voilà, et de le lier avec une histoire, et c'est là où, quand on se penche un peu sur l'histoire des ressources naturelles, des matières premières, ce qu'il est réellement nécessaire pour faire sortir ça de terre, eh bien, on ne peut pas ne pas se pencher sur l'Afrique centrale, et le Congo en particulier, étant donné la singularité d'un point de vue minéralogique et du sous-sol que ce pays constitue. Donc je vais venir un petit peu en détail, mais une des thèses principales du livre, si je puis dire, c'est de dire que au milieu des années 90, enfin en tout cas la deuxième partie des années 90, la dite révolution numérique, qu'on pourrait aussi appeler un petit peu banalement l'informatisation du monde, elle ne peut pas avoir lieu sans ce pays, sans cet endroit du monde. Et il y a vraiment peu de télescopage, en tout cas concordance entre un nouveau stade de développement technologique et géographiquement un sol et un sous-sol très riches en ressources naturelles et en matières premières. Et en fait, avant de rentrer là-dedans, donc pour moi c'est évident, c'est clair, on réécrit pas l'histoire, mais il s'agit de dire quand même que depuis 30 ans, si on est embarqué dans ce monde, c'est aussi parce qu'on a pillé, on a exploité, on a tué, on a massacré, et d'ailleurs on continue de le faire dans cet endroit du monde, parce qu'il y a vraiment le constituant, les composants qui habitent tous nos objets et nos gadgets du quotidien. Mais pour confirmer davantage, et peut-être pour creuser un peu plus, et justement pour saisir d'où venait cette violence, j'avais un peu cette intuition ou cette hypothèse historique sans vraiment la maîtriser. Et c'est comme ça que je me suis un petit peu plongé dans cette étude il y a quelques années. Et je m'étais dit, la question que je me suis posée, c'était de me dire, est-ce qu'on peut retrouver dans l'histoire ce type de télescopage, d'apparition conjointe entre, d'une part, soit une révolution industrielle, soit un nouveau stade technologique du capitalisme ou de ses transformations, et un sous-sol correspondant, un territoire correspondant. Et en fait, il s'avère qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin. En fait, il suffit de rester malheureusement au Congo et en Afrique centrale pour retracer, et donc je suis remonté un petit peu dans le temps, différentes étapes qui montrent finalement comment le capitalisme apparaît, se renouvelle à chaque fois sur des charges, je peux dire, criminelles, meurtrières, faites d'une multiplication de violations, d'exactions, de destructions. Et finalement, le Congo, je trouve, est un analyseur, un analyseur pour retracer les étapes du capitalisme et pourquoi pas aussi peut-être le recaractériser, le redéfinir, ou en tout cas le délimiter et vraiment saisir ce que c'est que ce mode de production, ce système ou cette idéologie ou tout ça à la fois. Je bois un peu aussi. Parce que des fois, si je démarre, je ne respire plus. C'est pas du mérite. Alors, il y a plein de sens, et puis on va essayer de pas être trop long. Pour l'idée, c'est quand même qu'on puisse discuter. Avant de venir sur cette, alors si peut-être un petit détour quand même sur cette fameuse matérialité du numérique, et toujours avec des allers-retours avec l'histoire, pour saisir quand même, voilà, d'où vient cette exploitation du sol historiquement, et comment on en est là aujourd'hui, et ce que ça peut aussi dire ou projeter pour demain et après-demain. Et là, c'est sûr qu'on n'est pas toujours très, très optimiste. Juste pour bien saisir que nos gadgets du quotidien sont très matériels, j'aime bien rappeler juste historiquement la composition métallique d'un téléphone portable, qu'on appelle aujourd'hui smartphone ou ordiphone, et pour bien saisir qu'en l'espace d'un demi-siècle, eh bien, on exerce davantage de ce qu'on pourrait appeler une pression terrestre, géologique, à mesure que ces gadgets se sophistiquent, se miniaturisent, deviennent dits efficaces, propose des applications, des services, etc. Pour les plus anciens dans la salle, ça vous parlera peut-être, dans les années 50-60, les premiers téléphones qui étaient fixes, ça nécessitait une dizaine de métaux, donc voilà, il y avait besoin d'une dizaine de métaux pour les fabriquer, les construire. Si on saute dans les années 90, donc apparition des premiers téléphones mobiles et aussi des réseaux Internet, on passe à une trentaine de métaux, ce qui est quand même conséquent, hein, ce qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appellerait les téléphones à clapet ou les téléphones à touche. Et donc, 30 ans après, aujourd'hui, donc année 2020, le dernier iPhone 16, par exemple, d'Apple, c'est 64 matières premières, dont une cinquantaine de métaux. Donc, quand on dit ça, c'est des chiffres, mais ce que ça veut dire, c'est que 50 métaux différents, c'est potentiellement 50 territoires qui seront pillés, qui seront accaparés, qui seront exploités, avec toutes les conséquences que ça a en termes de ressources naturelles, d'eau, de bois, de métaux, etc., etc. Donc là, ça dit quand même beaucoup sur ce petit gadget qui rentre dans notre poche et qui finalement implique toute une géopolitique, toute une économie mondialisée et bien souvent avec les conséquences néfastes qu'on connaît. Donc ça, c'est un petit peu pour... Et là, on parle que du smartphone. Et évidemment, comme je disais, derrière, il faut aussi toutes ces infrastructures pour les faire fonctionner. Et a priori, ici, vous êtes bien placé pour savoir ce que ça donne en termes de data center et de sans doute d'alimenter le nouveau stade qu'est l'IA et les prochains, la 6G et compagnie, 5G, 6G. Alors, avant de venir sur le quart de siècle congolais, comme je vous disais, ce qui est intéressant, je pense, c'est de repartir historiquement et de saisir comment on a pu arriver à un tel niveau de destructivité humaine qui est si peu médiatisé. Je reviendrai, c'est aussi une des motivations du bouquin, c'est que j'avais beau lire des choses, des rapports sur la question de néocoloniale ou des rapports nord-sud ou de l'exploitation des terres hors Occident, pour le dire comme ça. Voilà, il y avait toujours une petite phrase sur le Congo, un petit rapport, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de truc systématique, et en tout cas médiatiquement ou même dans les milieux militants, politisés, etc. Je trouve que la question du Congo ne revient pas assez souvent, et pourtant elle est de mon point de vue centrale. Donc voilà, l'idée aussi du bouquin, enfin, à ma juste mesure et mon petit pouvoir, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on en parle un peu plus et de le croiser avec d'autres thèmes sur la critique de la technologie et du progrès et bien plus largement. Et donc voilà. Et donc quand on creuse l'histoire, eh bien on se retrouve. Moi, je me suis retrouvé, on va dire au XVIe siècle, et notamment en parcourant l'histoire du Congo et de l'Afrique centrale. Et pourquoi XVIe siècle? Alors, je vous la fais un petit peu vite, hein. On va dire que c'est un peu la première salve du XVIe siècle à la moitié du XIXe siècle, donc sur une période de deux siècles et demi. On a, alors bon, on pourra y revenir peut-être en détail, mais on a cette phase, en tout cas, même si ça fait bataille chez les historiens, de naissance du capitalisme. Alors, d'autres disent mondialisation, c'est plus sympathique, ça fait plus neutre. Moi, je préfère parler de capitalisme. Et notamment à travers Marx ou d'autres, et ce qu'il appelle l'accumulation primitive du capital, on a vraiment, même si c'est sur une période longue, la naissance de ce système, de cette mondialisation capitaliste, à travers notamment cette relation, interrelation, interdépendance, ou connexion, si je peux dire, entre trois continents, que sont l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, et donc toute une économie qui se met en place, notamment une économie de plantation sur le sous-sol, enfin sur le sol américain, faite de production de thé, café, tabac, rhum, coton, etc., qui va, une fois exportée en Europe, participer de ce qu'on pourrait appeler les premiers profits ou les premiers capitaux, pour le dire avec Marx, et donc participer largement de l'enrichissement des États européens, France, Grande-Bretagne, mais aussi évidemment de toute la péninsule ibérique, Portugal et Espagne, notamment entre les conquistadors et le pillage des métaux, donc aussi à cette époque la naissance de l'extractivisme, notamment à travers le pillage de l'or et de l'argent, qui a largement enrichi ces pays. Et donc voilà, on a donc les colons, ou en tout cas les négriers, qui vont, enfin les conquistadors, qui vont piller suite à ce qu'on appelle la découverte des Amériques, donc mettre vraiment ce sol américain en développant une économie, mais dans ce commerce dit triangulaire, ou dans ce commerce triangulaire, il manque un élément, et c'est effectivement l'Afrique et ses populations africaines qui ont largement participé, pour ne pas dire été totalement intégrées dans cette économie naissante à travers donc cette migration, cette déportation forcée, massive, qui a évidemment encore des impacts aujourd'hui sur le continent. Et quand on se penche un petit peu sur cette traite, eh bien, il s'avère qu'une grande partie, pour ne pas dire une majorité, des populations noires qui ont été déportées sur le continent américain pour faire le travail, donc travail forcé, esclavage, eh bien, ils viennent en grande majorité de l'embouchure du fleuve Congo, et donc de ce qu'on appelait à l'époque le Royaume Congo. Donc, bon, c'est pas le Congo actuel, mais ça déborde sur l'Angola, sur le Gabon et le Congo-Brazzaville. Donc, on a sur toute cette partie de l'Afrique centrale qui a largement alimenté donc cette naissance du capitalisme et de la mondialisation. Donc, c'est une première salve. Et d'après les historiens, je pense par exemple un historien que j'aime beaucoup, que je cite, qui s'appelle Isidore Ndaiwel, qui est un chercheur congolais, et qui montre que sur les 50 millions, et c'est sans doute des chiffres sous-estimés, de populations noires qui ont été déportées, 10 à 15 millions sont congolais, qu'on pourrait créer avec un K, puisque à l'époque c'était le Royaume Congo. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on retrouve plein d'influences de l'Afrique centrale à travers la langue bantoue, de pratiques guerrières, symboliques, religieuses, etc., au Brésil, aux Antilles, aux Amériques, et finalement, voilà, cette influence congolaise depuis 5 siècles est présente. Donc là, si on peut dire à travers cette exploitation des êtres humains, hommes, femmes et enfants, on a une première salve, et c'est pour ça qu'on pourrait parler d'une sorte de territoire de prélèvement, où on va d'abord prélever, pourquoi pas dire extraire, cette force de travail pour alimenter cette économie naissante et les premiers capitaux, les premiers enrichissements. Donc ça, c'est la première étape. Il faut que je fasse des pauses. Et donc, si on fait un saut au 19e siècle, on arrive à l'époque proprement coloniale, à la révolution industrielle. Et donc, qui dit révolution industrielle dit nouveaux marchés internationaux, nouvelle production. Et il va falloir évidemment énormément de matières premières, de ressources naturelles. Et on a à cette époque, enfin plutôt fin du 19e siècle, 1884-85, ce qu'on appelle la conférence de Berlin, qui va vraiment être un moment important où les puissances coloniales, quasi impériales, vont se partager, si je puis dire, le continent africain, ou se partager le gâteau africain, comme le disait le roi belge Léopold II. Et donc on a 14 puissances coloniales, d'une vanité, d'une irresponsabilité certaine, vont voilà, découper le continent, tracer des frontières, avec aucun Africain à la table des négociations, évidemment. Et donc ça donne plus ou moins les frontières qu'on connaît aujourd'hui, et ça a évidemment des impacts sur des conflits encore contemporains. Toujours est-il que sur cette conférence de Berlin, à nouveau, l'un des enjeux de cette conférence, c'est le Congo, notamment puisqu'il est central, c'est le cas de le dire, au continent africain, et qu'à travers le fleuve Congo, il permet, à travers la navigation, à travers le développement du transport maritime, eh bien, d'acheminer les matières premières, les ressources naturelles, jusqu'au comptoir, et de les exporter vers les métropoles, et donc d'alimenter cette révolution industrielle. Et donc l'objectif notamment de Léopold II à l'époque, qui était le roi belge, enfin diplomate, c'était donc de s'approprier ce territoire, hein, qui fait quand même plus de 2 millions de kilomètres carrés. Lui était belge, c'est à peu près 80 fois le territoire belge. Et pour situer, je reviendrai peut-être sur ce que c'est que le Congo-Kinshasa ou la RDC, République démocratique du Congo, comme on l'appelle, bien mal nommé quand même, République et démocratique. Ça fait entre 4 à 5 fois le territoire français. Et donc Léopold II va avoir la main mise sur ce territoire en 1885. D'ailleurs, en termes de narratif et de langage, c'est intéressant puisqu'il le nommera État indépendant du Congo. C'est quand même assez osé. Et donc va se mettre à exploiter les ressources naturelles de l'époque. Alors il y en a beaucoup. Il y a des ressources agricoles, il y a des ressources forestières. Je pense au bois, je pense à l'ivoire. Mais il y en a une qui est centrale à l'époque, c'est le caoutchouc. Et pourquoi le caoutchouc? Tout simplement pour l'industrie du pneu naissante. Et qui dit industrie du pneu, dit l'industrie du vélo et surtout de l'automobile. Et donc le Congo, entre 1880 et 1910-1920, va largement participer à travers ses forêts très fournies en caoutchouc. À finalement faire décoller aussi la civilisation de la bagnole, dans laquelle on est encore bien tous englués, si je puis dire. Et donc se met en place, à l'époque, un régime d'une cruauté, d'une terreur absolue, basée sur du travail forcé. Certains historiens que c'était quasi même presque pire que la traite négrière, et sur une armée d'une cruauté inouïe, voilà, qui va vraiment avoir pour mission, pour but, d'administrer ce pays pour, j'ai envie de dire, faire produire le Congo, faire produire les Congolais et donc alimenter cette révolution industrielle, notamment basée sur le développement de l'automobile. Et donc, pareil, en termes de chiffres, c'est la deuxième salve, et encore Ndaiwen et d'autres évaluent le massacre à 10 millions de Congolais, ce qui correspond à l'époque, hein, donc entre 1880 et 1910, à quasiment la moitié de la population du pays. Donc voilà, on est quand même sur des choses historiquement très chargées, où on a quand même des étapes assez importantes dans le développement du capitalisme, et où le Congo, à chaque fois, à travers sa population, à travers ses ressources naturelles, est présent. Alors je fais vite pour venir quand même au quart de siècle qui nous intéresse le plus proche. Juste peut-être rappeler qu'au cours du 20e siècle, il est assez intéressant de voir qu'à travers des événements mondiaux, notamment à travers de la production, le Congo est toujours présent. Et si on se pense, par exemple, ça peut faire écho avec aujourd'hui, aux guerres mondiales, eh bien, quand on s'intéresse à la production minière pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on voit que le Congo est largement mis à contribution, alors à travers certains Congolais qui sont en relais de force dans les armées, mais surtout à travers son sol et son sous-sol, et cette fois-ci à travers des ressources minières et métalliques qu'on découvre fin 19e. Il y a un géologue belge qui s'appelle Jules Cornet, qui au Katanga, qui est la région du sud-est frontalière à la Zambie du Congo, qui est la plus riche en métaux. On découvre des pierres précieuses, du diamant, de l'or, du cuivre, du manganèse, du fer, etc. Et c'est d'ailleurs ce géologue qui donnera l'appellation du Congo comme, en tant que scandale géologique, bien que cette expression, de mon point de vue, aussi discutable, parce qu'il y a aussi un relent, je pense, assez colonial, en tout cas une vision de la nature du sol très instrumentale et utilitariste. Toujours est-il qu'on a des métaux qu'on pourrait dire essentiels en temps de guerre. Je pense au plomb, au manganèse, au zinc, au fer, au cuivre, etc., pour tout simplement fabriquer des armes, des balles, des obus, des chars d'assaut, aussi avec le tungstène, etc., etc. Donc vraiment, le Congo a largement aussi fourni la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'une guerre, ça se finance, ça se produit, et ça sera rebelote sur la Deuxième Guerre mondiale, où à nouveau on a une production minière conséquente pour les différents belligérants, et quand même fait important dans notre histoire, si je puis dire, c'est que la bombe atomique qui a été déversée sur Hiroshima et Nagasaki est fabriquée à partir de l'uranium qu'on trouve au Katanga. Donc le Congo, malgré lui, si je puis dire, fait entrer le monde dans l'âge atomique dans lequel on est encore bien, bien englué. Et donc, quand on déroule comme ça l'histoire, on voit que le Congo, à chaque fois, est fondamental. Après la Seconde Guerre mondiale, on a la guerre froide, qui est synonyme plus ou moins de course à l'armement. Donc, je disais que le Congo, sur les années 30, 40, 50, était le premier producteur mondial d'uranium. C'est aussi un grand producteur de cobalt et de tantale, et j'y reviendrai, qui sont aussi des métaux indispensables pour l'industrie de l'armement. Et c'est notamment un pays qui était très convoité et surveillé par les grandes puissances pendant la guerre froide. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Lumumba, qui sera le premier ministre congolais, sera assassiné, puisqu'il voulait socialiser, ou en tout cas faire en sorte que les ressources naturelles enfin puissent bénéficier aux populations congolaises. Et il n'a pas fait 6 mois. Il a été l'objet d'un complot. Alors, je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup de complot, mais celui-ci il est réel, d'un complot international de la Belgique, des États-Unis, aidé aussi par l'ONU et la CIA, et donc qui ont assassiné Lumumba, qui ont mis un pantin à sa place, qui s'appelle Mobutu, et qui donc restera 30 ans au pouvoir, et qui exploitera son peuple, et qui finira multimilliardaire. Et donc d'ailleurs, on peut comme ça arriver donc à aujourd'hui. Peut-être vous me dites au niveau du temps, j'ai pas de montre, mais on déroule un peu. Et donc on arrive années 90, si je puis dire, nouvelle transformation technologique du capitalisme, peut-être révolution industrielle, en tout cas on l'a appelé révolution numérique ou informatisation du monde. Et donc là, souvent ce que j'essaie de faire un petit peu dans ma façon de penser ou d'écrire, c'est d'essayer de mettre en perspective à la fois le contexte international, mondial, et le contexte local ou régional, là en l'occurrence africain. Et c'est vrai qu'au milieu des années 90, c'est assez intéressant parce qu'il se passe plein de choses. Au niveau local, comme je vous le disais, on a Mobutu qui est depuis une trentaine d'années au pouvoir, qui vraiment écrase son peuple et qui est largement contesté par son peuple. Il est aussi contesté par les pays voisins, puisque le Congo, qu'on appelait Zaïre à l'époque, est souvent un territoire où des groupes armés ou des rébellions s'installent pour reconquérir le pouvoir. Je pense notamment aux pays qui sont à l'est d'une région qu'on appelle le Kivu. Donc à l'est du Congo, c'est le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Donc vous avez souvent des groupes armés qui vont se loger de l'autre côté de la frontière et essayer de reprendre le pouvoir. Donc évidemment, ça ne plaît pas aux gens qui sont au pouvoir sur place, notamment au Rwanda, puisqu'on est suite au génocide des Tutsis en 1994, et vous avez plus d'un million, entre un million et 1,5 million de réfugiés rwandais qui passent la frontière, et parmi eux de nombreux génocidaires. Et donc Kagame, à l'époque, qui a mis un terme au génocide des Tutsis, alerte la communauté internationale et dit qu'il faut absolument chasser ces génocidaires qui, eux, préparent éventuellement des attaques pour récupérer le pouvoir. Et comme on disait à l'époque, pour achever le travail, c'est-à-dire achever le génocide. Donc on a toute cette géopolitique locale de l'Afrique des Grands Lacs. Et puis au niveau international, mondial, donc, comme on l'a dit, on a cette transformation technologique qui arrive. Dès 94-95, on sait que des entreprises comme Microsoft et d'autres sociétés technologiques ont besoin de coltan. Et puis on a tout le secteur de la finance et le secteur extractif mondial qui ont bien compris que pour cette transformation technologique, il y a des territoires dans le monde, et donc l'Afrique, et notamment l'Afrique centrale, est clairement identifiée, c'est mis dans des rapports où on sait qu'on a du coltan, du cobalt, du cuivre, etc. etc. Et donc, En 1996, ce qu'on appelle la première guerre du Congo, comment elle se déclenche ? Eh bien, tout simplement par une coalition, alors je vous passe les sigles et tout, parce qu'il y en a plein qui s'appellent l'AFDL à l'époque, qui est une coalition principalement de militaires rwandais, ougandais et burundais, avec des opposants politiques congolais. D'ailleurs, on mettra un certain Laurent Désiré Kabila à sa tête. Mais souvent, et d'ailleurs dans tous les histoires, les narratifs que j'ai lus, on présente un petit peu comme ça cette guerre, une guerre très africaine, mais on oublie quand même que cette rébellion, elle a été financée, et sans financement c'est difficile, elle a été financée notamment par les puissances capitalistes, mais surtout par le secteur extractif mondial, des multinationales minières, notamment canadiennes, ça a été très bien documenté par un philosophe québécois que je vous recommande, qui s'appelle Alain Deneau, qui avait écrit un livre qui s'appelait Noir Canada, qui décrivait ça très bien. D'ailleurs, il a payé plutôt cher, puisqu'il a eu 3 ans de procédure judiciaire par la suite, et il a plutôt mal vécu, je pense. Il avait juste, bon, ça c'est pour l'anecdote, mais 11 millions de dollars sur sa tête, enfin lui et son éditeur, pendant 3 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son bouquin a été censuré, il y a eu un accord avec les deux multinationales qui l'ont mis en procès, à savoir Barrick Gold et Burnham Corporation. Et voilà, en fait, on lui a demandé de retirer le livre et on l'a laissé un peu tranquille au bout de 3 ans. Donc ça, c'est l'anecdote, mais toujours est-il qu'en 1996, cette rébellion FDL va chasser Mobutu du pouvoir en moins d'un an. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que quand vous regardez comment cette rébellion avance, eh bien, en fait, c'est un fait de zigzag où à chaque fois, c'est des contrats miniers qui sont remplis, qui sont signés entre Kabila, qui n'est pas encore président, et les multinationales comme Bonneau, Barrick et bien d'autres, sur du cuivre, du cobalt, du coltan et compagnie. Et donc, on a cette première guerre du Congo qui se déclenche, donc qui fait 96-97. Kabila donc, arrive au pouvoir, chasse Mobutu. Il, au même moment, donc, il demande à ses alliés, donc rwandais, ougandais, burundais, il les remercie. Il dit bon, vous êtes bien gentil, vous m'avez aidé à avoir le pouvoir, maintenant vous pouvez repartir. Sauf que le Rwanda et l'Ouganda, notamment, ne l'entendent pas ainsi, puisque depuis un an ou deux, ils ont bien saisi que dans l'Est, où ils se sont installés, où ils passent des contrats, où ils développent une économie de guerre, ils sont assis, où ils contrôlent des territoires qui sont très riches en minerais et en ressources minières. Et donc, à travers des groupes armés fantoches, déclenche une deuxième guerre, qu'on appelle la deuxième guerre du Congo ou la première guerre mondiale africaine, c'est pas rien, qui va mettre en jeu une petite dizaine d'États africains, des groupes armés congolais, étrangers, des multinationales, des institutions transnationales, etc. Donc ça dure de 1998 à 2023. C'est celle qui est la guerre qui est reconnue clairement par tous les observateurs comme une guerre qui a été vraiment alimentée et dont l'objectif était de piller les ressources naturelles. Alors, pas que les ressources minières, aussi les ressources agricoles, forestières, hydrauliques, le bois, enfin tout ce qu'il y a, étant donné que c'est très riche. Et puis après, si je puis dire, il y a des accords de paix en 2002-2003, mais finalement, l'économie de guerre militarisée qui s'est mise en place, et c'est ce que je documente un peu dans le bouquin, entre 2004 et 2024, et encore aujourd'hui en 2025, est une succession de alors on sait même plus trop la nommer, si c'est une guerre, si c'est des conflits, si voilà, en tout cas pour moi c'est vraiment une guerre, c'est une guerre de ressources, c'est une guerre technologique, et c'est fait par procuration, en tout cas c'est alimenté par toutes les puissances mondiales et surtout par un développement technologique qui repose en partie, pas que évidemment, sur ces ressources minières. Alors peut-être pour bien saisir et faire le lien entre le développement du numérique et donc les minerais congolais. Alors, je ne vais pas vous les citer tous, hein, parce que ce serait long, ce que je disais tout à l'heure. Il y en a une cinquantaine qui constituent un smartphone. Le Congo est sans doute le pays, enfin, un des pays, si ce n'est le seul pays, qui recouvre ce qu'on appelle la table de Mendeleïev. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'est d'un ingénieur fin du même siècle qui a recensé tous les éléments naturels et chimiques qui sont présents dans le sol, dans la croûte terrestre, au nombre donc de 88. Et parmi ces 88 éléments chimiques, il y a à peu près une cinquantaine de métaux. Et au Congo, on les trouve quasiment tous. Et il s'avère qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre justement ce développement technologique qui ne s'arrête plus, où finalement le smartphone est de plus en plus aussi en train de recouvrir la table de Mendeleïev. Alors je vous donne juste 3-4 exemples pour bien faire le lien. Tout simplement, je vous donnerai c'est ceux peut-être qui sont les plus connus, qu'on a appelés en tout cas les minerais de sang ou les minerais de conflit, qui ont fait d'ailleurs l'objet de législations états-uniennes et européennes, et qui font l'objet toujours d'un pillage actuel. Et donc, dès 1995-1996, ces quatre minerais, alors je vais vous les décrire et puis montrer leur application. Alors, on a peut-être le plus connu, c'est le coltan. Alors, chaque minerai, une fois transformé, ça donne un métal. Donc, le coltan, une fois transformé, ça donne le tantal. Il s'avère que le tantal, c'est indispensable pour fabriquer les condensateurs. Les condensateurs, c'est ces composants qui ont permis notamment de miniaturiser nos gadgets technologiques pour devenir des ordiphones. Et puis, c'est aussi un métal dit stratégique, puisqu'il est recherché, notamment pour sa forte résistance à la corrosion et à la chaleur. Pour vous donner un exemple très concret, sans le tantal, nos téléphones portables, si on en a, nous exploseraient dans la main au bout de quelques minutes d'utilisation. Donc ça, c'est un exemple assez concret. Et le tantal, donc on a plus de la moitié, pour ne pas dire des deux tiers, des réserves mondiales qui se trouvent justement au Kivu, donc cette région de l'est du Congo qui est très riche en minerais. Ceci dit, ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, même quand on parle du Congo, on en parle un petit peu, et souvent on en parle très mal, on a un focus sur cette région, et on oublie le Katanga, et on oublie le Kasaï, on oublie l'Équateur, et je pourrais vous parler d'autres régions avec d'autres minerais qui servent aussi à différentes productions industrielles et capitalistes. Donc voilà, donc on a ce tantal, on en trouve les deux tiers au Kivu, et au moins la moitié de la production mondiale est réalisée par le Congo. Mais si on ajoute celle du Rwanda, on arrive un peu plus, et en fait on sait très bien que la majorité des minerais estampillés ou dits made in Rwanda sont la plupart pillés au Congo voisin. Donc voilà, on a dans un premier temps ce tantal, premier minerai de sang. Ensuite on a par exemple la cassitérite, qui une fois transformée donne l'étain. L'étain, c'est indispensable pour les soudures des circuits électroniques. Il faut savoir aussi que quand c'est associé à l'indium, ça rend les écrans tactiles. Donc là, on voit bien qu'on est clairement dans notre dite révolution numérique. Et donc, on trouve beaucoup d'étain dans l'est du Congo. Alors, il n'y en a pas qu'au Congo, on peut en trouver en Indonésie ou ailleurs. Toujours est-il que dans l'est du Congo, on en trouve beaucoup. Et pour faire écho avec l'actualité depuis un an ou deux, eh bien, le groupe M23, si vous avez entendu parler un petit peu du Congo dans les infos, donc groupe armé qui est largement téléguidé, financé, appuyé par le Rwanda, eh bien, à partir de avril 2024, juste deux mois après d'ailleurs un accord entre l'Union européenne et le Rwanda, on pourrait y revenir, a mis la main sur une mine, la mine de Rubaya, qui équivaut à peu près à 15% de la production mondiale de cobalt, et juste après à la mine de Bizi, qui est la troisième mine mondiale d'étain, qui correspond à 6 à 8% de la production mondiale d'étain. Bon, donc on voit bien qu'il n'y a pas de hasard, ces conflits sont largement, pour ne pas dire totalement déterminés par ces ressources minières. Troisième métal, peut-être un peu moins connu, c'est le wolfram, qui une fois transformé donne le tungstène. Le tungstène, très concrètement, par exemple, ça sert à fabriquer les vibreurs et les haut-parleurs des téléphones portables. Et puis quatrième métal, c'est le métal jaune, c'est l'or, dont on pense aussi peut-être un peu moins, puisque quand on dit or, on peut penser peut-être un peu plus aux bijoux, à la bijouterie ou aux banques des réserves centrales. Mais il s'avère quand même que 10% aujourd'hui de l'extraction aurifère est siphonnée par l'industrie électronique, notamment pour fabriquer des cartes mères, des circuits imprimés. Donc voilà, on a ces quatre minerais métaux qui, depuis 1996, ont alimenté une économie de guerre, une économie militarisée, et avec une criminalité de plus en plus institutionnalisée, où ce sont des groupes armés, aujourd'hui on en dénombre 120-130 rien que dans l'est du Congo, où ces groupes armés vont à travers différentes configurations, c'est des groupes congolais, mais c'est aussi des groupes rwandais ou gandais, qui vont exploiter ces ressources naturelles, mais aussi les commercialiser à travers toute une économie informelle, contrebande, qui passe par le Rwanda, l'Ouganda, qui va jusqu'au port de Mombasa au Kenya ou Dar es Salaam en Tanzanie, et qui finit par traverser l'océan Indien et qui seront fondus, transformés, assemblés, etc., en Malaisie, à Taïwan, en Chine, en Asie du Sud-Est. Donc voilà, on a toute cette économie qui s'est mise en place fin années 90 et qui existe toujours, parfois avec les mêmes acteurs, avec les mêmes criminels de guerre qui sont impunis et qui continuent à collaborer avec des multinationales, avec des États, avec des impérialistes, même on pourrait dire, Et ça ne fait que continuer. Alors si on se penche sur vraiment l'histoire récente de ces 20 dernières années, pour essayer toujours de vérifier un petit peu ce que j'avançais et de saisir un petit peu, notamment des périodes très sanglantes, notamment dans l'est du Congo, je me suis penché sur certaines innovations technologiques, et malheureusement, ça correspond à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque innovation technologique, eh bien, on observe une augmentation de la production minière, une militarisation croissante des régions orientales du Congo. Par exemple, bah, forcément, si on prend l'objet, un peu le fétiche contemporain, le smartphone, créé en 2007, eh bien, en 2007, on a justement cette augmentation de production de ces fameux 3T, donc tantal, tungstène et or, 3TG, et ce qui va avec, à savoir des gamins dans les mines, des violences sexuelles, et je viendrai un petit peu après sur la dimension destructivité humaine et coût écologique environnemental. Donc on a cette concordance en 2007, on a la même en 2010, au moment de l'apparition de la tablette, où on a ce qu'on appelle les guerres du Kivu, donc là sur 2010-2012, et finalement on peut remonter comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et là, bon, ce ne sont des hypothèses, si je puis dire, mais depuis 2021, donc on est replongé dans un nouveau conflit, très clair, cette fois-ci avec le M23. Donc ça démarre en novembre 2021. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est 6 mois, ou même pas 4 mois, avant l'invasion de la Russie en Ukraine et de ce qui s'est passé par la suite à Gaza. Et on voit bien quand même qu'en termes de médiatisation, on n'est quand même pas sur les mêmes types d'informations, sur les mêmes types d'intérêt de ce conflit. Et pourtant, on est face à une guerre, si je puis dire, classique, avec une violation de la souveraineté territoriale. On a un pays qui agresse un autre. Là, en l'occurrence, c'est le Rwanda via des groupes armés. Mais son armée sur place, on compte 3 000 à 4 000 soldats rwandais qui sont du côté congolais, qui ont pris les deux grandes villes que sont Goma et Bukavu. Bon, voilà. Et donc, depuis 2021, bah, ça paraît un peu évident. Il suffit de questionner quelles sont les grandes trajectoires industrielles aujourd'hui, ou les grands projets capitalistiques. Et pour m'amuser, si je puis dire, enfin, c'était pas très drôle, mais pour me farcir un paquet de rapports ou d'études de spécialistes des métaux, bah, ce qu'on voit sur les années 2019-2021, par exemple sur des rapports du BRGM, qui est le Bureau des Recherches Géologiques Minières, et bien d'autres, eh bien, qu'est-ce qu'il est dit ? C'est qu'il va falloir d'autant plus de cobalt, de tantal, de lithium, notamment pourquoi ? Pour la 5G, pour la voiture électrique, pour l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc on imagine bien qu'aujourd'hui, avec toute une géopolitique des conflits qui se passent ailleurs dans le monde, on a une recrudescence du conflit. On a aussi l'Union européenne qui veut soi-disant être souveraine d'un point de vue numérique, technologique, mais aussi minier. C'est aussi le propos des accords avec le Rwanda, qui est un cynisme total et qui est vraiment une manifestation néocoloniale classique, si je puis dire. Donc voilà. Alors peut-être que je peux aussi vous redonner 2-3 noms de métaux, pas trop, parce que là, je vous ai parlé que des métaux qui sont présents au Kivu, mais au Katanga, où il n'y a pas nécessairement de groupe armé ou de guerre, mais pour moi, il y a vraiment une guerre de ressources naturelles, au sens où il y a quasiment tout le monde, puisque tout le monde a besoin de ça pour sa trajectoire industrielle. On a toutes les... si on s'amuse un petit peu à regarder les nationalités des multinationales, on a tout, alors principalement la Chine quand même, où la Chine détient plus de 50% des mines congolaises, mais on a aussi l'Inde, on a la Turquie, on a la Russie, on a les Émirats Arabes Unis, on a l'Australie, on a aussi des pays africains, Afrique du Sud, qui tous pillent cet endroit du monde, et notamment le Katanga. Pourquoi ? Pour le cobalt, peut-être un des métaux que vous connaissez le plus, le cobalt qui sert à fabriquer les batteries des téléphones et ordinateurs portables, mais aussi des voitures électriques. Et donc là, pareil, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 80% des réserves mondiales de cobalt se trouvent dans cette région, et à peu près 75% de la production mondiale sort de ces terres congolaises. Donc c'est aussi l'objet d'une géopolitique où on a vu arriver ces derniers temps un certain Trump, ou en tout cas son administration, se jouer, s'improviser à négocier la paix dans cet endroit du monde. Et c'est vrai qu'on parle, en tout cas on a parlé un petit peu de l'accord qui a eu lieu entre l'Ukraine, enfin en tout cas entre les États-Unis, et qui a essayé d'amener la paix, si je puis dire, à travers notamment ce deal entre mine et sécurité, quoi. Et bien en fait, il y a eu exactement la même chose au Congo, dont on a moins parlé, mais où l'administration de Trump a proposé au Congo et au Rwanda en échange de pouvoir s'installer davantage, parce qu'ils y sont déjà d'un point de vue minier, eh bien d'apporter une force militaire, ou en tout cas d'apporter une certaine sécurité. Donc on voit bien qu'à travers cette géopolitique, le pillage continue. Alors je ne vous parle pas du cuivre aussi, hein, qui sert bah, notamment à fabriquer les câbles sous-marins souterrains. Le Congo est le troisième producteur mondial de cuivre. Et récemment, enfin il y a un an, on a trouvé l'une des plus grandes mines mondiales de lithium. Bon, vous connaissez le lithium pour les batteries, etc. etc. Et je vous épargne d'autres métaux. Allez, un petit quand même qui est important, qui est un peu moins connu, c'est le germanium. Et le germanium, dont le Congo est un principal exportateur mondial, qui sert notamment pour la technologie Wi-Fi, la fibre optique, et qui a aussi des applications militaires pour l'aéronautique. Bon, bref, donc tout ça pour dire que maintenant, depuis 30 ans, quasiment, en tout cas l'année prochaine, en 2026, on célébrera, si je puis dire, 30 ans de guerre depuis 1996 qui a été déclenchée au Congo, et d'un pillage, d'une exploitation qui dépasse quand même l'entendement, qui est totalement inouïe. Enfin, je trouve que quand on se penche sur l'étendue géographique, les chiffres, même si certains sont discutables, de violations diverses et variées, de destruction sur des kilomètres carrés, des hectares, c'est quand même assez. Ça donne, je pense, la mesure justement de ce qu'est capable ce mode de production économique, ce système industriel, et aussi évidemment les gens et les idéologies qui les portent. Alors peut-être pour finir, c'est pas très gai, si je puis dire, sur le bilan. Un bilan humain et écologique. Si on commence par l'aspect écologique, bon, il n'y a pas de grande surprise. Vous savez sans doute que l'industrie minière est une des industries les plus polluantes, les plus destructrices, les plus énergivores, les plus criminelles. Hein, c'est documenté par beaucoup d'associations, beaucoup de monde. Eh bien, au Congo, évidemment, ça se vérifie. 30 ans d'extraction, d'exploitation minière. Eh bien, c'est tous les éléments naturels, je dirais, sont touchés. On peut parler, par exemple, de l'eau. Hein, d'ailleurs, j'aime bien souvent citer Aurore Stéphane, qui est l'association Sixt, qui dit que l'une des principales victimes de la mine, c'est l'eau. Si on prend les études épidémiologiques, par exemple, au Katanga, donc c'est Sévro Katanga, au Kivu, Sévro Kasaï, c'est vrai ailleurs, on a des cours d'eau sur des dizaines de kilomètres, des rivières, des lacs, des nappes phréatiques qui sont totalement contaminées aux métaux lourds, qui détruisent la biodiversité sur place. Si vous prenez certains épidémiologistes avec qui j'ai pu m'entretenir à Lubumbashi, au Kolwezi, ils montrent que sur vraiment des dizaines de kilomètres, il n'y a plus de vie aquatique, faune et flore vraiment laminée, exterminée. Et c'est un désastre environnemental qui se transforme souvent en désastre sanitaire, puisque ça se retrouve dans la chaîne alimentaire. Et toute cette contamination se retrouve dans l'eau que les populations peuvent boire ou faire la cuisine avec, se laver, etc. etc. Et ça génère des cancers, des malformations congénitales et tout ce qui va avec. Donc il y a la question de l'eau, il y a la question de l'air qui est pollué, il y a la question des forêts, de la forêt congolaise. Vous connaissez peut-être que cette forêt congolaise est alors surnommée, pareil, hein, moi, je me méfie avec cette expression, mais en tout cas le deuxième poumon mondial, dans le sens où après l'Amazonie, c'est le grand massif forestier qui, soi-disant, pourrait permettre de stocker du carbone et de faire face à notre crise climatique énergétique. Toujours est-il qu'au Congo, c'est 500 000 hectares qui partent en fumée tous les ans. Alors, pas que à cause de l'extraction minière, puis il y a aussi la question de l'extraction des hydrocarbures. Il y a une agriculture sur place, mais en tout cas, l'extraction minière y participe. On retrouve du coltan et d'autres minerais dans des parcs naturels, dans des réserves, qui participe aussi de détruire toute une biodiversité. On a la question des terres, et là c'est assez dramatique, puisque si vous allez sur place, moi, j'ai pu me rendre un peu sur place, ne serait-ce que si vous avez accès à des photos, à des reportages, on voit toutes ces collines qui sont déboisées, on a l'impression que c'est des gruyères faites de trous un peu partout, et ce qui est terrible, notamment dans l'est du Congo, c'est que ce sont des terres qui sont très fertiles, très nourricière, donc qui pourrait vraiment participer avec une production agricole à des formes d'autonomie alimentaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'inverse. Et là, on passe sur l'aspect humain, mais c'est lié. Et les chiffres sont complètement délirants. Si vous prenez donc les chiffres des Nations Unies et bien d'autres, sur une population d'à peu près 100 millions d'habitants, qui, je rappelle d'ailleurs, est une population francophone. Donc c'est quand même l'endroit dans le monde où on parle le plus le français. Une des raisons peut-être supplémentaires pour lesquelles on pourrait s'y intéresser un petit peu. En tout cas, toujours est-il que sur 100 millions d'habitants, on estime à presque 30 millions de Congolais qui sont dans une situation de malnutrition aiguë, donc pour ne pas dire de quasi-famine. Bien qu'aujourd'hui, il y a un autre conflit aussi, on pourra peut-être en reparler, mais c'est le Soudan, dont on parle très peu. Et aussi, c'est une catastrophe au niveau de la famine, de la malnutrition. Et là aussi, on le dit très peu, mais c'est aussi lié aux ressources naturelles, notamment à l'or, au pétrole ou à des terres sur lesquelles, notamment, le Qatar, les Émirats arabes unis ont une mainmise. Bon, là, je digresse un peu. En tout cas, si on reste sur le Congo, donc 30 millions de personnes qui sont en situation de quasi-famine, des milliers, des dizaines de milliers de gamins, mais pas que d'enfants, mais de, tout simplement de populations qui subissent des conditions de travail terribles, qui sont aussi documentées depuis 20 ans. Moi, j'ai pu me farcir des dizaines, pour ne pas dire des centaines, de rapports d'ONG, des Nations Unies, d'associations sur place, qui documentent ces travails dignes des conditions qui sont inacceptables. Et puis, on a tout un type de régime, de pratiques ordurières, criminelles, meurtrières, faites de villages incendiés, de pillages, d'exactions, d'actes d'humiliation, de dégradants. Enfin, on a vraiment, c'est toujours les civils qui prennent, notamment avec ces groupes armés. Et ça fait 30 ans que ça dure, et malheureusement, on n'en parle pas assez. Alors, on parle tout de même du conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Juste ça devrait quand même un peu faire tilt. Alors, même si les chiffres sont discutés, ce qui est sûr, c'est que c'est plusieurs millions de morts. Alors, bon, des fois, on a des chiffres un peu extravagants. On monte jusqu'à 10-15 millions de morts. Je pense que ça va un peu loin. Mais ne serait-ce que plusieurs millions, 4, 5, 6. Et bon, j'ai presque honte quand je dis ça, parce qu'on parle d'êtres humains quand même derrière. Ce qui est terrible aussi, c'est qu'il n'y a même pas d'ambition d'essayer de saisir le nombre de morts qu'il y a depuis 30 ans. Chose est-il que c'est plusieurs millions. Et puis, je finirai par ça, par une des violations assez terrifiantes qui a été un petit peu médiatisée, c'est la question des violences sexuelles, des mutilations génitales et des viols, notamment au travers d'un médecin gynécologue congolais que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Denis Mukwege, moi avec qui j'ai pu m'entretenir, et son équipe médicale à Bukavu, là où il a créé son hôpital en 1999, qui s'appelle l'hôpital de Panzi, et donc qui depuis 25 ans prend en charge ses victimes de violences sexuelles, et lui, mieux que quiconque, est le mieux placé, et il montre très bien que dans la majorité des cas, ces victimes de violences sexuelles proviennent de carrés ou de sites miniers, et il montre bien que c'est pas qu'au Congo, évidemment, mais que le viol est vraiment utilisé comme une arme de guerre. Il montre bien que c'est politique, c'est économique, à savoir que ces seigneurs de guerre, ces miliciens, utilisent, si je peux dire, le viol vraiment pour terroriser les populations sur place, pour vraiment dissoudre les communautés, pour fracturer le tissu social. Et vraiment, c'est une façon d'humilier, évidemment, d'avoir de dominer les corps, mais aussi de s'approprier des territoires qui sont riches en minerais. Donc on a vraiment un lien entre cette barbarie sexuelle et cette volonté et ce désir de s'approprier des minerais. Et donc on est depuis, alors pareil, là les chiffres paraissent délirants, lui, hein, le premier, annonce plusieurs centaines de milliers de violences sexuelles depuis la fin des années 90. Et je finirai sur ça, je ne sais pas à combien j'en suis, mais j'aime bien souvent, si je puis dire, je vais vous citer un tout petit extrait. Il a reçu plusieurs prix, bien que je ne sois pas fan des prix, mais peu importe. Il a eu le prix Nobel de la paix en 2018, et j'ai extrait, si je puis dire, ce court passage de son discours qui montre bien le lien entre ce dont je viens de parler depuis quelques minutes. Alors, je vous lis, c'est un court passage. « L'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et autres minerais stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte au Congo. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minerais qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par de jeunes enfants, victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. » En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire est d'insister pour que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons sont violés de façon cruelle, souvent en public et en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contendants dans leur partie génitale. Le peuple congolais est humilié, maltraité et massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Fin de citation. Donc voilà, pour conclure, mais je crois que vous avez bien compris et que ça soit bien clair, 30 ans de numérique dans le monde, c'est 30 ans de morts congolais et de terres mortes au Congo sur lesquelles repose le développement technologique. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est pas réjouissant. Ça ne l'est pas. Je m'excuse si je dois m'excuser pour ça. On va passer aux questions, mais avant, oui. Les ouvrages de Fabien sont à disposition. Et aussi, pour la question du numérique ici à Marseille, vous avez la nouvelle revue Le Platane qui est à votre disposition ici. J'aurais, pour commencer les questions, j'aurais 2 questions à te poser, Fabien. La première, c'est la question de l'invisibilisation du conflit et de la réalité du Congo. Ouais. Comment est-ce que tu... Et la deuxième question, c'est d'être conclusion extrêmement pessimiste de ton ouvrage. Ça veut dire que pour toi, la fin du conflit, tel qu'il se fait aujourd'hui, il ne peut s'arrêter que quand l'extractivisme s'arrêtera. Mais vu qu'on est dans une logique du tout numérique, on n'est que dans une surenchère technologique. Donc ça veut dire qu'on est face à un problème sans fin, qu'on va laisser faire jusqu'à l'épuisement des ressources et du peuple. Est-ce que tu es toujours d'accord avec cette conclusion? Alors, bon, y a deux. Alors, oui, y a deux. Je reprendrai la ouais. première. Comment dire En gros, oui, en grande partie, dans le sens où, et là je reconvoque aussi l'histoire, et à la fois longue de 5 siècles et courte de 3 décennies, et je pense que si on a un peu saisi d'où tout ça vient, si on a vraiment saisi la matérialité de nos nouvelles technologies, et on voit bien, parce que là bon, on a parlé du numérique, mais c'est vrai que j'ai peut-être tendance à un peu focaliser sur le numérique, mais il y a évidemment les industries dites vertes, donc la bagnole électrique, on y est, mais il y a aussi l'industrie de l'espace, dont aussi on est quand même bien engagé avec Musk et compagnie. Les satellites, tout ça, ce ne sont que des terres rares et que des métaux. Mais il y a aussi peut-être, alors je l'ai dit rapidement, mais il y a aussi l'industrie de l'armement et les guerres actuelles et les guerres futures. Pour les faire, il faudra sans doute en amont ou en même temps des guerres de métaux pour des métaux de guerre. Et malheureusement, tantale, cobalt, tungstène, tout ça, c'est, voilà, ça participe des blindés, des chars, des drones et tous ces appareils meurtriers militaires. Donc, dans la configuration actuelle, vu la géopolitique, vu pas la renaissance, mais l'affirmation de certains impérialismes ou de puissance, et comment on est dans un délire exponentiel de renouvellement d'appareils technologiques, de gadgets, y compris pour faire du fric, mais sans doute pas que pour obtenir une puissance, pour c'est vrai que c'est assez pessimiste, mais je ne vois pas, mais moi je veux bien, puis on est là pour débattre et se contredire et argumenter, mais je vois pas, en tout cas avec la connaissance de la géopolitique africaine ou celle de l'Afrique des Grands Lacs, vu quand on prend la chaîne de valeur, quand on prend la chaîne d'approvisionnement des matières premières, avec ses différents acteurs, Rwanda, Ouganda, l'élite congolaise aussi, hein, qui est largement responsable. C'est une kleptocratie, c'est une corruption aussi qui est endémique et qui existe depuis Mobutu et bien avant. Je pense que si, en tout cas, pour moi, un des leviers, Et après, on peut dire que c'est irréaliste, utopique, je ne sais pas, donc ça ne m'intéresse pas. Mais je pense qu'un des leviers, c'est quand même d'agir sur cette exploitation de ce sol, cette commercialisation de ces ressources minières. Et c'est évident que si on pouvait donner la possibilité aux populations sur place, alors donner, ce n'est pas nous les sauveurs, hein, mais le faire avec eux, mais surtout qu'en tout cas, les populations sur place puissent décider de ce qu'elles veulent faire de ces terres. Et je pense qu'il y a sans doute plus à faire en termes agricoles ou autres que technologiques. En tout cas, s'ils veulent vendre leurs minerais pour faire des smartphones avec des Européens, des Américains, pourquoi pas ? Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas. La plupart des gens qui vont dans les mines ne savent même pas à quoi servent les métaux. Enfin, on en est là, c'est ça la réalité. Donc ouais, je pense que si on veut sortir de ce marasme et de cette barbarie, ça passera forcément par moins ou par plus. C'est-à-dire par 100. Et oui, je pense qu'il va falloir vraiment agir sur cette production électronique qui est une production minière. Moi, j'aime à dire aussi souvent que je pense qu'on ne comprend pas l'industrie numérique si on ne comprend pas que c'est avant tout une industrie minière. Et là, on revient à cet aspect matériel, et peut-être que je peux faire le lien avec ta deuxième question. C'est des hypothèses, c'est des éléments de ça à discuter ensemble. Mais si on n'en parle pas, parce que finalement, en fait, c'est souvent ce que je dis, je ne comprends pas, en fait, pourquoi on n'en parle pas. Vu le niveau de cruauté, de barbarie, de destructivité humaine, je ne comprends pas qu'on parle aussi peu, qu'on n'en parle pas, ou quand on y parle, quand on en parle aussi mal de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que cette matérialité, vu qu'elle est encore quand même, alors là, on est peut-être entre gens un peu plus avertis ou informés, mais où on a quand même, je pense, encore dans l'imaginaire populaire, où les smartphones ou les bennes électriques, enfin, je vais grossir un peu le truc, caricaturer, mais ça tombe un peu du ciel, quoi. Et je pense que tant qu'on n'a pas saisi, en fait, tant qu'on va invisibiliser aussi cette matérialité, d'où aussi, et ce que vous faites sur les data centers et tout, c'est hyper important, parce que tant qu'on ne saisit pas ça, on n'aura pas un focus, on ne va pas regarder sur ce qui se passe au Congo. Et d'ailleurs, il y a encore des lectures aujourd'hui, même dans la presse, que moi je trouve vraiment, enfin je le dis dégueulasse, où en fait on va mettre en avant cette guerre comme étant une guerre ethnique, ou communautaire, ou foncière, ou identitaire. On peut dire ça encore dans l'IB, il y a un mois, enfin, moi je lis ça, ça m'horripile, je trouve que c'est vraiment... Et donc finalement, on dépolitise, on déséconomise, et même il faudrait dire aujourd'hui, on détechnologise ces conflits. Et donc voilà, donc tant qu'on est sur ce constat de notre matérialité, de notre quotidien, de notre confort matériel et technologique, en fait, je pense qu'on n'aura pas le focus sur d'où viennent ces méthodes, d'où viennent cette matérialité, et notamment au Congo. Donc ça, je pense que c'est un des éléments. Alors après, je rebondis un peu dans... Enfin, voilà, mais sur la première question, oui, je ne sais pas si c'est pessimiste. Moi, je pense que Non, mais c'est même pas sans prétention, mais je pense que c'est lucide et réaliste, en fait. Et malheureusement, je pense qu'il y a différents arguments, et c'est... Enfin, ça peut se décrire, ça peut s'argumenter, même assez facilement comme ça, en fait. Je pense que... Alors après, bon, on pourra peut-être revenir sur cette question et y répondre un peu autrement. Après, sur la question des médias, mais peut-être que là, je parle trop, il faudrait peut-être plus que ça. Non. Mais en tout cas, sur l'aspect guerre oubliée, guerre dont on parle peu, il y a cette question de l'invisibilisation, de cette fameuse dématérialisation, qui pour moi, voilà, c'est le mot magique. Si on parle de dématérialisation... en fait, on ne parlera pas du Congo. Enfin, c'est déjà une des... Donc, les médias... Enfin, déjà, si les journalistes ne le saisissent pas, les populations ne le saisissent pas, je ne vois pas pourquoi on va aller creuser un peu ce qui se passe à 8000 km d'ici. Après, comme je vous disais, sans doute qu'il y a encore des relents vraiment racistes qui consistent à dire que les guerres africaines sont des guerres tribales ou sont des guerres... je caricature, mais c'est des noirs qui sont trop dessus, quoi. Donc on dépolitise, on déséconomise ça, et je pense qu'on y est encore. Le Soudan, quand même, c'est aussi, sur une population, je crois, de 40 millions de personnes, c'est la moitié qui est en situation de quasi-famine. C'est délirant. Enfin, là, vous prenez le Soudan et le Congo, on est à 20 plus 30 millions, on parle de 50 millions de personnes. Et moi, je ne veux pas tomber dans la compétition victimaire ou quoi, mais quand on parle de Gaza, ou quand on parle de l'Ukraine, ou quand on parle de la Birmanie, de la Syrie, ou bien qu'on n'en parle pas tant que ça, mais bon... Oui, bien sûr, il faut en parler, c'est détestable, mais en termes de proportionnellement, et encore une fois, je fais attention parce qu'on n'est pas là pour faire du... Mais tout de même, quoi, ça interroge. Je me demande quand même, est-ce qu'un Congolais vaut moins qu'un Ukrainien, ou est-ce qu'une Congolaise vaut moins qu'une Palestinienne? Enfin, en tout cas, dans la hiérarchie médiatique, bon, aujourd'hui, je crois qu'on en est quand même là, quoi. Donc, il y a ça. Après, sans doute aussi que, même si on n'est sans doute pas sur des formes de censure médiatique ou traditionnelle, mais on se doute bien que les big tech ou les industriels de la tech qui sont aux avant-postes de ce type de guerre, on peut intérêt à faire connaître ces conflits. Donc, bon, on peut trouver des choses sur Internet, mais on voit bien quand même qu'il n'y a pas de campagne médiatique vraiment qui a suscité dans l'imaginaire populaire un truc qui fait qu'on se dit putain, au Congo c'est délirant ce qui se passe depuis 30 ans. Donc voilà, par différents biais, par différents jeux, je pense que bah oui, on se doute bien que Musk via Tesla mais Google fait en sorte qu'on en parle de façon très ponctuelle, mais qu'on saisisse pas que c'est un truc qui devrait faire l'actualité. On devrait en parler 50 fois par jour sur les chaînes de radio, les chaînes de télé, les différents canards. Bon. Voilà. Mais en fait, je vous renvoie la question. Pourquoi on n'en parle pas? En fait, réellement, j'ai pas vraiment de réponse précise, je pense, parce que j'ai fait 400 pages pour essayer de comprendre, mais ça m'échappe. Ça m'échappe. Ouais. Alors moi, je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai un téléphone fabriqué en Hollande par une société qui se dit éthique, contrôle qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent, etc., que les gens soient payés à la juste valeur sur toute la chaîne. Bon, et puis c'est un téléphone modulaire, donc c'est-à-dire on peut changer que une partie, que la caméra, que le micro, que l'écran, et non pas tout le téléphone à chaque fois. Donc ça participe à une production, je ne l'achète pas, je le loue à une société coopérative alsacienne, Comround, qui du coup investit dans des choses modulaires et éthiques, entre guillemets, et donc je, en tant que sociétaire, je suis copropriétaire de l'ensemble des smartphones comme ça qui sont loués en France et en Belgique, et du coup, quand on a même pas besoin de racheter une pièce, dans tout le lot, avec deux téléphones, on en fait un, une pièce, sur tout ce lot-là. Et donc, est-ce que c'est bien ça? Donc, c'est un téléphone que j'ai depuis quelques années déjà, et je l'aurai encore pour plusieurs années. Je n'ai pas besoin de changer de téléphone tous les deux ans. Mais est-ce que c'est de la naïveté ou, C'est le Fairphone, ça? Oui. Ah, ok. Enfin, c'est le 3 celui-là, parce que Fairphone, quand même, ils ont fait le 4, le 5, avec la 6G, etc. Enfin, je me questionne. Ouais, il y a plusieurs choses. Bah, déjà, d'une part, moi je dis souvent que c'est, on va dire que c'est intéressant, dans le sens où d'ailleurs Fairphone a été créé, et notamment avec cette question des minerais de conflit. Et donc, ils sont plutôt honnêtes d'ailleurs, parce qu'ils disent que c'est pas à 100%. Ils disent qu'à 80%, à 90%, ils s'alimentent de minerais propres, mais que de toute façon, justement, on est tellement sur une économie criminalisée, avec une opacité, que de toute façon, personne ne peut dire totalement qu'il n'a pas de coltan ou de cobalt congolais dans sa poche, ou sur sa table. Bon, donc c'est une réponse intéressante. Après, il y a effectivement la réflexion sur le pseudo-sens programmé, ou le fait de pouvoir changer les pièces. Donc ça, c'est, pourquoi pas. Après, moi, je crois qu'on questionne pas. Là, on revient aussi sur un peu la question des l'usage. Alors non, il y a la dimension de la production, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que je pense qu'on est aussi sur un aspect très individuel, où en fait, on va avoir une réponse individuelle, et on va pas questionner aussi un peu plus loin, à savoir quels sont les besoins en termes de, et pourquoi on veut ça ou on a ça, ce type de gadget. Et je pense que j'ai rien contre Fairphone. Je trouve que c'est, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais on reste sur une alternative commerciale et industrielle. Mais voilà, c'est toujours pareil. L'alternative, est-ce qu'elle est vraiment alternative ou est-ce qu'elle participe de ce système? Donc, je pense que c'est des gens qui ont des bonnes intentions, ça c'est évident. Ça donne sans doute peut-être bonne conscience aux individus qui les achètent. Mais je pense qu'on empêche. Bon. Enfin, on parle un peu du Congo à travers ce type de production, mais moi je pense qu'il faut aller sans doute au-delà, mais on va dire que c'est un début, de discussion, mais je pense qu'on ne questionne pas le fait que de toute façon il y a quand même 1,5 milliard de smartphones qui sont vendus par an, et que Fairphone là-dedans, soit est tout petit, soit il participe ou est dedans et ne questionne pas l'aspect macro-systémique et finalement méga-machine technologique au sein duquel ce gadget s'inscrit, sont centraux, quoi. Donc, moi je pense que c'est mieux de enfin, si ça permet de penser décroissance, faire moins ou arrêter la production et se dire que l'objet smartphone il a que 20-25 ans, enfin ou téléphone portable, et que c'est quand même des objets contemporains, enfin ne plus s'imaginer qu'on puisse s'en passer, ça convoque tellement de choses que anthropologiques, philosophiques, politiques, mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller, mais. Bah, tant mieux si ça exploite moins le Congo, mais bon, pour moi je pense qu'il faut enfin, en tout cas ça peut nourrir des réflexions, mais allons peut-être un peu plus loin, quoi. Essayons de voilà ce que je pourrais dire. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des entreprises françaises et européennes qui participent à ce village des ressources au Congo, et si c'est le cas, est-ce qu'il y aurait une voie juridique pour les attaquer, nous des gens dans le français? Bah, d'ailleurs, je pense que la question de... Alors, après, on ne peut pas tout faire par l'institution judiciaire ou la dimension juridique, mais c'est évident que... Et puis, des militants des droits de l'homme sur place, ou quelqu'un comme Denis Mukwege... Enfin, faut juste rappeler que certains criminels, aujourd'hui, ça fait 25 ans, c'est une impunité totale. Et on sait très bien que les crimes qui sont reproduits sont le fait aussi parce que, justement, c'est pas puni et sanctionné. Il n'y a pas de justice nationale, il n'y a pas de justice ou très peu de justice internationale. C'est pour ça que quelqu'un comme Mukwege ou d'autres vraiment œuvrent pour qu'il y ait un tribunal pénal international pour juger ces 30 ans de massacres qui sont, encore une fois, documentés avec des rapports très fournis par des experts de l'ONU ou d'autres, etc. Donc ça, c'est clair que la question des juridictions, ça pourrait quand même... Parce que finalement, tant qu'il n'y a pas de juridiction, il n'y a pas de sanction. Et puis, on ne cible pas les responsables. Et moi, je pense que évidemment, il faut cibler les bourreaux sur place, mais encore une fois, il y a une offre. Et qui alimente tout ça et qui le sait très bien? Et là, on retrouve les big tech. De toute façon, moi, je me suis farci des dizaines de rapports, c'est toujours les mêmes noms qui apparaissent. C'est toujours les mêmes noms. C'est quand même le secteur de l'électronique ou de l'automobile. Donc, c'est Google, c'est Microsoft, c'est Amazon, c'est Tesla, et puis c'est BMW, BMW, Volkswagen. C'est toujours les mêmes. Donc, au bout d'un moment... Il y a même eu des films ou des trucs fictifs là-dessus pour penser un tribunal qui convoque. Alors là, on est un peu dans le... On dit, ouh, là, on va taper sur les big tech. Ça va sans doute pas se passer comme ça. Mais n'empêche que aller vers des juridictions et des sanctions, c'est évident qu'il faut passer par là. Alors après, votre question, ça rejoint notamment, par exemple, la France-Afrique, ou en tout cas impliquée au Congo. Alors au Congo RDC, c'est un peu plus... alors, des acteurs concrets, bah bon, j'en cite, mais maintenant c'est plus le cas. Mais j'en cite quelques-uns dans le bouquin. Bah, par exemple, Bolloré, dont on parle beaucoup aujourd'hui, en tant qu'entreprise de transport, de logistique, ils ont été épinglés par l'ONU et d'autres dès 2000-2001, notamment pour transporter des produits miniers, donc les sortir du Congo pour les amener jusqu'à Dar es Salaam ou au port de Mombasa. Ça, c'est clair, c'est documenté. Ils y ont participé. Donc Bolloré est dedans. On a des multinationales comme Orange, enfin des opérateurs comme Orange ou Bouygues qui ont des contrats sur place. Bouygues s'est fait prendre la main dans le sac via un sous-traitant par un journaliste qui est très bien, qui fait Africa Arabia, qui s'appelle Christophe Rigaud, qui a documenté, donc là c'était l'exploitation de l'or en Ituri, c'est un peu plus au nord-est où il y a des massacres aussi monumentaux, c'est plus frontalier d'Ouganda. Donc Bouygues, voilà, par exemple, est sur place. Après, c'est plus, c'est aussi l'État français via des coopérations militaires. Donc, on est plutôt sur des formes aussi où on s'installe, on va s'installer, on va faire des contrats. Alors, il y a le contrat de l'Union européenne, mais aussi là récemment, début de l'année, Macron et une petite bande d'entrepreneurs. J'ai pas creusé les noms, mais d'ailleurs il faudrait des sociétés et aussi du BRGM, donc le fameux Bureau de recherche géologique minière. Qui sont allés au Congo pour soi-disant aider les Congolais à explorer et pourquoi pas exploiter par la suite notamment le Katanga et là où il y a du lithium. Donc on a, voilà, c'est plutôt à travers des accords ou des coopérations entre gouvernement et État où la France est présente. Et quand même, si on revient dans l'histoire, et là c'est quand même monumental parce que je pense que la responsabilité de la France est au milieu des années 90, au moment du génocide des Tutsis, où la France est largement à minima responsable, mais surtout complice. Et pourquoi la France voulait de Mitterrand à l'époque, voulait absolument rester, c'était aussi une forme d'ingérence sur le grand Congo voisin, où en étant présent, notamment au Rwanda, et à l'époque, ce pré carré français était contesté par les anglo-saxons, Angleterre, Grande-Bretagne, États-Unis, etc. Et donc, du coup, la France a voulu, coûte que coûte, et c'est le cas de le dire, rester, mais au prix de suivre et d'accompagner des génocidaires. Et donc, voilà, donc là, on sait très bien que le Rwanda, c'est le marchepied pour avoir une main mise sur les terres congolaises. Alors, je n'ai pas totalement répondu à votre question. Il y a d'autres noms d'entreprises, mais là, comme ça, faudrait creuser un peu plus. Sinon, dans le carbure, tu as Total et 3%. Alors oui, bien sûr. Alors, il y a Total, donc là, sur l'aspect pétrole. Et donc là, on peut voyager, malheureusement, parce que là, on n'est pas que sur le Kivu. D'ailleurs, il y a des blocs pétroliers et gaziers qui ont été découverts dans la forêt équatoriale. Là, il y a des potentiels accords. Mais Total avait aussi un contrat au niveau du lac Kivu, parce que dans le lac Kivu, on a aussi du gaz. Bon, voilà. Donc, on a des gazières et des pétrolières. Il y en a. Mais là, j'ai pas forcément une liste d'acteurs français. Et il y a évidemment des banques. Ouais. Et il y a aussi sur le pétrole, il y a Perenco aussi. Et là, c'est intéressant. Alors, Perenco, c'est une entreprise pétrolière qui n'est pas très connue, qui est franco-britannique, mais quand même, à la création de cette boîte et à la tête de cette boîte, on trouve un certain, je ne sais plus son prénom, mais c'est le papa de Madame Pannier-Runacher. Et elle a été ministre de la transition énergétique. Donc, un pied pour piller le pétrole au Congo. Enfin bon, voilà, on est toujours dans ces délires. On est sur des mafias internationales, en fait, qui se rejouent tout le temps, qui se rejouent. C'est un MACGM, ils ont des... Je sais pas s'ils sont... Là, c'est vous qui me le dites, mais là, il faut vérifier. Ouais, sur du transport. Nicolas, tu avais une question ? Non, c'est plus une réflexion sur la question d'avant. Sur la réflexion que tu dis, sur comment sortir en fait de cet engrenage. C'est une question vraiment complexe, profonde, transversale sur le progrès aussi, sur la technologie, sur nos addictions respectives, collectives, individuelles. Et je sais pas, c'est plutôt aussi assez pessimiste. Et du coup, c'est juste une opinion que j'exprime comme ça. J'aurais tendance à penser que le niveau général d'empathie, ça allait remonter, c'est tout le boulot qu'il a fait. Et le visibiliser, et évidemment, il faut le faire, c'est trop inconnu. Je sais pas s'il y a d'ailleurs des films, des documentaires, des actions sur le sujet. D'ailleurs, il y en a un qui vient de sortir, mercredi dernier, qui s'appelle Le sang et la boue, d'un réalisateur français. Et je l'ai vu, il est plutôt bien. C'est sur une mine de coltan au sud Kivu. Et du coup, en parallèle de ça, j'aurais tendance à penser que c'est justement à travers plutôt les effets, donc, que tu disais, qui sont plutôt plus médiatisés, un peu plus pris en charge, les enfants, les ados, les adultes aussi, qui, une fois qu'on se sera vraiment cramé, que ça sera... un peu comme les cigarettes, c'est-à-dire qu'il y a pas du temps pour que sur les paquets soit marqué « Attention, vous achetez ça, c'est encore... » Mais c'est du poison, ça tue. Après, le résultat, je ne sais pas, c'est moins normalement que... Je sais pas. Mais j'ai la sensation que la connaissance de la souffrance qui est impliquée en amont ne suffira pas à faire sortir la masse des citoyens de l'usage et de l'enthousiasme technologique. C'est-à-dire qu'il va falloir que le peuple se crame vraiment la tête et qu'on aille au bout. Des gamins qui suicident, des liens avec, je sais pas, les troubles anxieux, dépressifs, avec tout ça. Je sais pas, c'est une question. Je vais vous dire deux mots juste. Je suis d'accord avec tout ça, c'est évident. Mais le problème, c'est que le capitalisme, d'entrée de jeu, est un capitalisme, c'est une fabrique de brigands. C'est une fabrique de brigands depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, de toute façon, c'est du brigandage qui se poursuit. La colonisation, après avoir foutu tous les mecs dans les usines en France, travaille comme des bêtes. Après, c'est la colonisation. On continue. C'est le même brigandage. C'est brigandage sur le terrain, en France, en Angleterre, partout. Brigandage dans les colonies. Et ça, ça continue. C'est le même système. C'est le même système de brigandage généralisé. Donc, pour en sortir, on peut en sortir en se posant simplement la question de la barbarie qui est effective aujourd'hui, mais il faut penser l'histoire d'une barbarie sur 3 siècles. C'est celle-là qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et on va continuer indéfiniment cette barbarie si les brigands, parce que c'est du brigandage, c'est du pillage entre eux. Le pillage continue, ça fait 3 siècles qu'on pille, que des mecs pillent et profitent des progrès technologiques pour à chaque fois, à travers le progrès technologique, trouver un moyen de faire du brigandage à tel ou tel endroit. Donc c'est le système dans son ensemble qu'il faut penser et pas seulement sortir de ce brigandage-là parce qu'il y en aura un autre après. Quelle société peut-on construire en dehors de ça? C'est plutôt, moi je le pense plutôt comme ça. Ça appartient un mouvement d'ensemble. Les brigands aujourd'hui, c'est Elon Musk et ces gens-là, effectivement. Mais avant, c'était les grands sidérurgistes. Ou les Rockefeller. Et tout. C'était des brigands, absolument. Ils ont tué l'Amérique, ils ont tué les Indiens, tout le monde. C'est la même chose, ça continue. Là, c'est le Congo, parce qu'il y a les métaux qui correspondent à une technologie. Quand c'est la technologie pétrolifère, c'est d'autres brigandages. Si c'est le chemin de fer, c'est d'autres brigandages. C'est à chaque fois le même système qui se met en place. C'est ça, globalement, sur lequel il faudrait penser. Celui-là étant particulièrement, disons, désastreux pour les populations. Et particulièrement, disons, on atteint une violence qui s'améliore, je dirais, avec les essais. Je trouve que c'est une cristallisation d'une multiplication de brigandage et de criminalité. Mais c'est pour ça aussi que la dimension historique, elle servait aussi à ça, de dire ça. Et ça, pour moi, ça réinscrit ce numérique et ce développement technologique sur 3, 4, voire 5 siècles de comme tu dis, de brigandage, de criminalité, de prédation. Ça montre où on est. Qu'est-ce que c'est que ce brigandage? Moi, c'était ça. Voilà. Ça le montre vraiment. Et c'est de qualifier, et c'est aussi une façon, alors ça ne suffit pas, mais ne serait-ce que sur les narratives, parce qu'il y a toute une positivité, il y a tout un... On voit bien autour du progrès, même des marchandises, c'est magique, c'est génial, et en fait, c'est juste de dire maintenant, en fait, ça fait 5 siècles que... Et on arrive peut-être, vu que ça cristallise, et vu que c'est différentes formes en plus d'extraction, qu'elles soient minières, énergétiques, vont quand même, font un tout qui est un rouleau compresseur, et sans doute qu'on arrive à un niveau de destruction quand même, là, en 2030, 50, 40-50, qui est Et le Congo l'exprime, quoi. Alors après, c'est pareil, je ne sais plus si c'était la remarque du pessimisme, et moi, j'attends pas ça du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que vu les niveaux de rentabilité, de productivité qui s'intensifient, au bout d'un moment, quand même, la méga-machine, ça va caler un peu. Et c'est pas pour faire les prophètes, pour dire, voilà, dans 20 ans, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de métaux, tant mieux. Il faut surtout pas attendre ça, puisque c'est une catastrophe. Mais n'empêche que, pareil, à lire les différentes perspectives de différentes personnes spécialisées des métaux, et puis de voir l'état des sols, des sous-sols, et de voir aussi, justement, et de re-questionner, ne serait-ce que, voilà, le smartphone, où maintenant c'est la bagnole électrique, je crois que c'est 70 matières premières, donc ça va être vraiment l'objet, même si c'est beaucoup plus grand, mais je trouve que le smartphone, on a quand même un truc dans la main qui tient, on a presque le monde, on a la croûte terrestre dans le monde, je pense qu'il faut, c'est là-dessus qu'il faut aller. Enfin, moi, quand je suis dans des lycées avec des gamins, je leur dis, mais regardez, c'est, 50 métaux, c'est dingue, en fait. C'est complètement arriéré. C'est ça, l'arrière. Enfin, quand je dis qu'il faut changer les narratifs et les imaginaires, moi, je pense qu'il faut aussi ringardiser ces objets et montrer que, mais au-delà de les ringardiser, c'est que c'est criminel. Enfin, il n'y a pas plus colonial, en fait, qu'un smartphone aujourd'hui. 50 métaux, c'est dingue. Donc, avant de parler de faire fun... Déjà, alors je ne sais pas s'il ne faut plus du tout de téléphone, mais déjà pensons, même le terme sobriété, je ne sais pas, mais avec beaucoup moins. Déjà, les téléphones à clapet, et c'était sans doute pas le top il y a 30 ans. D'ailleurs, c'est ce qui a aussi sans doute déclenché les premières guerres au Congo. Mais aujourd'hui, on a 50-60. C'est délirant. Si on revenait à des gadgets, à des objets qui faisaient 30, 20, 10 métaux, déjà, peut-être qu'on pourrait, peut-être un peu soulager la Terre et les hommes, quoi. Donc ça, c'est sans doute des pistes. Et puis produit par les chiffres, c'est délirant. C'est 1,5 milliard de smartphones par an. Greenpeace, là, ils ont sorti une étude de 2007 à 2017, c'est 10 milliards de smartphones par an. Mais c'est toujours la question que je pose. Et on a diminué les souffrances, les inégalités, les discriminations, les destructions. Donc, au bout d'un moment, il va falloir agir là-dessus. Mais alors, comment on agit là-dessus et collectivement, et quels sont les autres désirs ou les autres futurs désirables? Là, allons-y. Mais il y en a, on le sait. On sait qu'il y a des récits, des luttes, des victoires, des trucs qu'on fait que. Mais ça se construit collectivement. Mais faut on va pas se mentir, on part de loin. Philippe, excusez-moi, j'ai trouvé de partir pour mon cas, mais je pense qu'il y a, par exemple, dans les conversations aux familles avec des amis, c'est la notion de confort. Mm-hmm. Combien de fois c'est pratique? C'est pratique. Et je pense que le capitalisme tient par ça. On appuie sur un truc, il y a un mec Uber qui va venir, la pizza, le machin, on va commander un bouquin, on ne verra sûrement pas, mais il arrivera dans 24 heures. C'est cette notion de confort. Je pense, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'il y a derrière. Enfin, moi, je vois dans les conversations, j'ai ce truc-là, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir sur ces notions de confort. Enfin, il semble, confort, donc définition des besoins. Elle est répandue de partout. C'est pratique. Là, on part demain, on ne sait pas. Il y a un truc qui va nous dire où aller, donc on ne sait plus se véhiculer dans l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est aussi. Mais il y a un parallèle entre l'histoire c'est une histoire de brigandage et de criminalité, mais c'est aussi une histoire de dépossession. Moi, je pense qu'on arrive à un stade historique, on a une dépossession des terres, des ressources naturelles, de ce qui nous fait bouffer, mais aussi une dépossession mentale, une dépossession cognitive, intellectuelle, voilà, où on peut. Et c'est là où il y a un lien, et c'est difficile de lutter sur tout, mais c'est ce qu'il faudrait essayer de faire. C'est que, la critique, elle est aussi là, c'est-à-dire que ces gadgets font tout à notre place. Et l'IA, c'est le summum de la dépossession de toutes nos capacités, possibilités. Intellectuelle, symbolique, cognitive, tout ce qu'on veut. Et oui, on dépossède la Terre, on devient décérébré, débile, et on tue. Donc là, c'est vrai qu'on est quand même sur une petite totalité, quand même. Excusez-moi, je dois partir pour une carte. Il n'y a pas de problème. Les Africains, quand ils sont vont avant la faim, ils l'oublient. Bonne soirée, madame. C'est pas les questions, c'est juste la réflexion aussi. Donc. Comment on peut agir, nous, pas sauter sur le dernier gadget, essayer de résister avec ton vieille machine le plus longtemps possible, mais c'est compliqué parce que les parents âgés, ils ne peuvent pas faire leur déclaration d'impôt. Ils ont résisté longtemps, mais là, c'est le fiston qui est obligé de le faire pour eux parce que c'est pas possible, quoi. Et on a eu beau résister, je continue à faire manuellement, mais bon, il y a un moment, c'est pas possible. Alors bon, après, en tout cas, merci d'avoir parlé du Congo, parce qu'effectivement, personne n'en parle. J'ai l'impression que c'est un pays complètement maudit depuis que les Européens, enfin, je sais pas comment c'était avant, c'était peut-être pas le paradis, mais enfin, en tout cas, depuis que les Européens sont arrivés, c'est la catastrophe. Il y a le rôle de l'ONU là-dedans. Mais ils sont nuls ou quoi? Enfin oui, ou quoi? Vous allez tous me dire, mais oui, ils sont nuls, ils font rien à Gaza. Mais je sais qu'ils y ont été quand même là-bas. Et simplement, ils servent à rien, quoi, ces gens, quoi. Puis après, ces conflits, il y a aussi une autre question que je me pose. C'est le Rwanda, c'est un petit pays, il est 50 fois plus petit que le. Enfin, ça fait penser à un petit requin, là, qui attaque un gros pays. Et puis, c'est l'équivalent de la Bretagne. Il est tellement corrompu, tellement pourri qu'il n'est même pas capable de se défendre contre un. Ou alors tout le monde, toute l'Europe, le monde entier file du fric au Rwanda pour attaquer le Congo, quoi, et fait le démembrer, je ne sais pas, avec Alors après, je voulais citer une BD que j'ai lue il n'y a pas longtemps, qui est horrible. J'ai pleuré. C'est Altarriba, là, qui est un dessinateur espagnol connu. Il raconte l'histoire de gamins qui sont dans les mines. Mais c'est immonde ce qui se passe là-bas. Quoi. Enfin, au Congo, tu as parlé des viols de 2 ans, enfin de 0 à 92 ans, que tout le monde se fait violer. Mais après, ils prennent des mômes. Il les oblige à tuer, il les drogue, il les oblige à tuer les parents et à les bouffer. Hein. Et ça avait l'air vrai comme histoire. Quoi. Ah, mais j'en documente un peu. Mais, hein? Oui, j'en documente quelques-uns. Et... Ouais, tu as vu ça. Quoi. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je sais pas où. Enfin, je pense qu'on est dans un monde avec des. Normalement, il y a des structures qui devraient intervenir, qui ne le font pas. Nous, qu'est-ce qu'on est à part en parler? Les sources d'informations, ouais, moi je lis Le Monde, c'est vrai que le conflit au Kivu, ils en ont parlé quand même. Je sais pas si c'était bien ou pas bien, mais au moins ils en parlaient hein, de ce qui s'est passé récemment. Et puis, voilà. On va. Je suis un peu désespéré aussi. Ouais, il y a. Ouais, c'est une question rapide. À l'occasion de la sortie du livre, donc il y a un événement, est-ce que tu as des passages médias prévus? Est-ce qu'il y a une stratégie de communication? Est-ce qu'il y a des liens avec les médias? Ah, d'accord, ok, vous pour moi, je ne sais pas. De quoi? Pardon, je n'ai pas entendu. Oui, c'est pas une actuelle que j'avais passée. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai qu'il il a presque un an. Il est sorti en octobre dernier. Mais. Bah non, mais ce que je peux dire, c'est que moi, je suis ravi de cette collaboration avec les éditions L'Échappée, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu. On n'était pas sûr, hein, c'était un petit pari aussi, ça pouvait un peu faire un flop, et il s'avère que avec Jacques, si l'auteur joue le jeu, moi, j'aurais dit, moi, je vais jouer le jeu, je vais me déplacer, j'ai envie d'y aller un peu, voilà. Et du coup, j'ai eu pas beaucoup d'invitations, pas mal de ventes pour ce type d'ouvrage, hein, Forester. Mais quand même, et quelques passages médias, après je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, il y a eu un gros truc, ça a été France Inter, la Terre au Carré, parce que ça, tout le monde en parle, mais c'est vrai que ça a permis un peu de. Ça a des effets prescripteurs quand même, ce type de grosse émission très. Concrètement, hein, Jacques, il m'a dit 3 jours après, il y avait 400 commandes dans la librairie. Ah ouais. Bon, voilà, c'est le passage à la radio, c'est sûr. Après, j'ai pas eu de télé, mais je cours pas non plus forcément après. Mais bon, s'il y a des trucs un peu corrects, je trouve ça un peu où on fout les pieds, mais voilà. Mais après, beaucoup de presse papier encore, des trucs plus décroissants, écolo, militants. Il y en a eu pas mal, il y a eu le cas. Charlie Hebdo qui a fait un petit truc, comment il s'appelle, Nicolino, sur France Inter, il y a un petit truc, c'était lié justement en décembre dernier à l'État congolais qui portait plainte contre Apple, pour notamment pratiques frauduleuses, recel de minerais de conflit, etc., etc. Donc on était en plein dedans. Voilà, après, bon, je sais pas, le truc, il est peut-être à 3000 ventes, ou enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais tant mieux si c'est un petit peu. Puis bon, c'est quand même intéressant, parce que par exemple, moi j'aime bien, je viens un peu de. Il y a des profs qui le lisent parce que je suis invité dans des lycées. Donc voilà, il y a des assos, des ONG. En fait, il y a un peu de différents milieux. C'est pas que enfermé, on va dire, au très politique, très militant, que les anards. Il y a un peu de. Il y a plusieurs milieux, on va dire. Sur le plan d'ailleurs des organisations politiques, il y a des gens qui se sont intéressés sur ce sujet et qui ont voulu te contacter. Alors j'ai été très surpris, je me suis demandé ce que je foutais là-bas. Mais j'ai été invité aux universités d'été de LFI. Ah, j'y suis allé. Ça, c'était mi-août. Mais bon, je me dis, intéressant, sans doute certains d'entre eux, notamment j'ai causé avec la députée qui est d'origine congolaise, Congo-Brazza, mais bon, c'est un peu pareil. Donc sans doute que. Mais j'ai été surpris que la question, c'était vraiment la question de l'extractivisme. Ils ont fait une proposition de loi sur la sobriété métal. Bon, c'est quand même intéressant. C'est sans doute que c'est trop lent et pas assez, et machin. Mais quand même, ça montre qu'il y a quand même des petits endroits où on prend un peu cette question au sérieux et ce serait bien qu'on la mette sur la table un peu plus, quoi. Ouais. Et en général, hein, la matérialité au-delà des minerais, mais ce qui se passe sur la question de l'eau. Qui, bon, il y a eu la question des puces à Grenoble, un petit peu quand même, un tout petit peu médiatisée. Bon, il y a quand même. Et puis je pense que plus il y aura des résistances, parce que bon, on va relancer aussi l'extraction minière en France, hein, vous êtes au courant. Hein, voilà, pour le lithium, pour moi je suis près de la Bretagne, il y a du tungstène, du lithium aussi. Lithium en Alsace, bon, il y a l'Allier, etc. Mais je pense que si progressif, petit à petit, y compris ces luttes, où c'est un anti-extractivisme, mais aussi, moi je dis toujours, quand on lutte contre l'ouverture d'une mine, d'accord, mais à la base, la mine, elle sera faite pourquoi ? Elle sera fabriquée. Et donc là, peut-être qu'il y aura aussi des liens en termes de lutte à montrer que, bah, en fait, si c'est du lithium, bah, c'est pour des bagnoles, des SUV ou des smartphones. Enfin bon, voilà, donc je pense que. Plus on politisera cette question technologique et minière, plus on pourra. Et puis il y a aussi des choses sur place. C'est vrai que souvent, nous, on parle là, mais il y a beaucoup de gens courageux. Moi, je suis des amis congolais, il y a des journalistes, des militants. Il y a des manifestations qu'on ne médiatise pas, là, au Katanga, sur une mine. Il y avait des Chinois qui ont fait n'importe quoi sur une mine de cobalt, là, bon. Mais. Bon, là, il faut une internationale anti-extractiviste. La capacité des journalistes à effectivement, comme tu as pu le faire, aller sur place, se renseigner, réussir à communiquer. Comment dire. Tu dis à quel point donc, c'est central la question du Congo sur toute cette économie. Et en même temps qu'on en parle très peu, est-ce que tu as rencontré des grandes difficultés pour obtenir certaines informations? Ou est-ce que. Au contraire, tu as connaissance qu'il y a d'autres journalistes qui sont sur aussi les mêmes travaux et les mêmes recherches par ailleurs. Voilà, c'est justement. Ben c'est, en fait, c'est contradictoire parce que d'un côté, c'est ce que je dis, il y a quand même, et ça se voit, enfin, c'est quand même bien documenté. Enfin, il y a, mais bon, alors, par exemple, les rapports de l'ONU, personne n'y va, mais c'est de source publique. Hein. C'est disponible, il y a tout. Enfin, c'est... Il y a même des noms de sur les annexes, on a les noms des criminels, les mecs qui sont. Ils ont des potentielles sanctions aussi, voilà. Donc, il y a, en termes de documentation, et puis il y a des choses qu'on fait avant, je pense au journaliste Christophe Boltanski, par exemple, qui a sorti Minerai de sang, mais c'est déjà 2012. Mais, bon, vu que le truc est interminable. Après, par contre, sur place, ouais, c'est quand même compliqué. Moi, j'ai pas pu aller n'importe où. Je suis pas entré dans une mine. Bon, en plus, moi, j'ai pas de carte de prêt, je suis juste chercheur. Donc, bon, si je suis emmerdé là-bas, je sais pas qui va venir me chercher, quoi. Donc, déjà, j'étais avec deux amis congolais et je leur faisais totalement confiance. Ils balisaient, ils me disaient là, on peut aller, mais c'était quand même plutôt les grandes villes, Goma, Bukavu. Par contre, j'ai rencontré énormément de gens, des gens vraiment géniaux, des chercheurs, des journalistes humanitaires, des types qui, eux, quasi changent d'identité, chopent des contrats dans des mines, vont dans les mines, et eux, par contre, voilà, eux, ils notent le nombre de gamins, machin, et ils m'ont filé des rapports, et des rapports qui sont pas forcément en ligne, même si c'est CBC. Et moi, j'ai ramené tout ça là. Bon, quelque part, c'est déjà documenté d'un point de vue international, humanitaire ou quoi. Mais ça donnait quand même aussi un peu plus de consistance et de trucs. Donc on peut dire que c'est de la deuxième main, mais quand même, c'est. Voilà. Mais après, non, puis avec ma. Enfin, c'est con, mais ma tronche de blanc et tout, là-bas, il y a quand même un paquet de tarés. Il faut imaginer que les trois régions qui sont Nord, Sud, Kivu et Ituri, c'est à peu près 200 000 km². C'est quoi? C'est un tiers de la France. Imaginez, vous prenez un tiers de la France. Où c'est ça pullule de miliciens, de seigneurs de guerre et quand même de tarés et de mines. Donc là, on ne peut pas trop faire n'importe quoi. Et vous ne voyez pas qu'en somme, il y aurait quelqu'un qui inventerait quelque chose qu'on puisse abandonner tous ces engins qui ne sont pas bien, quoi. Ah ben là, la question, il faut qu'on se la pose tous collectivement. Vous avez dit qu'il y avait un tas de choses de. Le fer, l'or, le si, vous avez prononcé beaucoup de choses qu'il y a. Et est-ce que celui qui serait un peu plus intelligent, il pourrait faire quelque chose d'autre ? Pour enlever tout ça, parce que je sais pas quoi. Ah ben là, il y aura toujours un qui inventera quelque chose, moi, je crois. Je crois à ça. Ouais. Et qu'on n'en aura pas besoin, et qu'on aura besoin de seulement des ondes. Qu'est-ce qu'on fait des ondes et tout ça, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, moi, il me semble qu'il y aura sûrement quelqu'un qui s'intéressera à inventer quelque chose de mieux sur ça, quoi. pour se passer de tous ces divers bidules qui ne sont pas bons, quoi. Et puis qui embêtent tout le monde. Eh bien, Fabien, merci pour ton intervention. On va continuer la conversation autour de la Bandeira. Parce que voilà, c'est ça. T'as bien félicité. Ouais, t'as bien félicité. Je viens de voir quelqu'un.